qu'elle est pour toi, mamie, qui est partie 3 février, repose en paix avec papy. Tu es parti bien trop tôt, tu es quitte de souffrir là-haut. T'es parti rejoindre celui que t'aimais, celui qui depuis tout ce temps te manquait. J'espère qu'il t'a bien accueilli en t'ouvrant les portes du paradis. Mais sache, je lui fais confiance, je t'aime, papy. Je t'aime, mamie, mamie. Tu fais partie des plus beaux anges, mais ton absence a laissé un vide immense. Tu nous manques, purée, j'aime pas ce silence. Tu es parti bien trop tôt. Tu verras au-delà. Je t'ai eu au téléphone, je t'ai tout dit avant que tu partes. Tu me retenais comme si tu savais que t'allais changer la carte. Tu t'es pas trompé, t'as pris une autre destination. Repose en paix, on se retrouvera un jour de toute façon. C'est mamie, et toi aussi, papy. Je vous aime. Tu nous as quittés. Sache que nous en bas, on ne t'oubliera jamais. Jamais. Je pense à toi. Tu laisses nos cœurs vider, je te le jure, et nos larmes couler. C'est trop dur de se dire qu'on ne te reverra jamais ici, car après, ce sera la joie quand on se reverra. Le jour où moi aussi, je partirai là-bas, au paradis. Voilà enfin, ça y est, même si tu n'es plus là, je sais que tu me vois. Cette chanson, elle est pour toi, mamie. Je te la dédie, mamie. Je t'aime, mamie.